بسم الله الرحمن الرحيم. طيب في ذلك اليوم من ذلك اليوم سندخل في سورة المائدة. dernière fois on avait fini سورات النساء. à compter de ce jour on va prendre les versets concernant سورات المائدة qui est la table servie. قال المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة الستين 60e مسألة قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. Donc Allah dans le sens il dit aujourd'hui les bonnes choses ont été rendues licites et la nourriture de ceux qui ont reçu le livre vous est permise, vous est licite. Sourate Al-Maïda verset 5. Donc là ils vont entendre une masala qui est assez importante, qui d'ailleurs est probablement la recherche la plus longue dans son livre, qu'on va résumer le plus possible, car il a beaucoup détaillé, mais on va résumer à l'essentiel, Inch'Allah, qui est une masala importante par rapport au sacrifice des gens du livre, qu'est-ce qui nous est permis, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et « Ahlul Kitab ma'aluf hum al-Yahoud wa Nasara ». قال هذه الآية الكريمة تدل بعمومها على إباحة ذبائح الكتاب مطلقة ولو سموا عليها غير الله أو سكتوا ولم يسموا الله ولا غيره لأن الكل داخل في طعامهم. Donc ce verset, dans sa généralité qui l'englobe, démontre la permission de manger les viandes sacrifiées par les gens du livre dans l'absolu. Peu importe qu'ils aient nommé Allah dessus, ou autre que Allah, ou qu'il se soit tu. C'est-à-dire qu'ils aient dit Bismillah, ou qu'ils aient dit Bismillah Isa, ou qu'il n'ait rien dit du tout. Tout rentre dans le Ta'am al-Kitab, dans la nourriture des gens du livre. Le tout est regroupé dans ce verset. Et Ibn Abbas, radiallahu anhu, il fait rapporter de lui et d'autres que le sens de Ta'am al-Kitab, c'est les dhabaih. C'est tout ce qui est sacrifice. Car à la base, les nourritures, la base dans les nourritures, qu'elles proviennent des Al-Kitab ou des Majus ou Ray des Alika, elle nous est permise. Ce qui est interdit, c'est la viande, le sacrifice. Donc là, Ibn Abbas dit Ta'amu alladhina utul kitab, il veut dire par là les sacrifices de ceux qui ont reçu le livre d'avant vous. قال مع أنه جاءت آية أخرى تدل على أن ما سمي عليه غير الله لا يجوز أكله وعلى أن ما لم يذكر اسم الله عليه لا يجوز أكله أيضا. Et également du fait, s'opposant, c'est-à-dire ce qu'on vient de prendre là, que d'autres versets sont venus démontrer que ce dont le nom d'Allah n'a pas été nommé dessus nous est interdit, ou ce qui a été nommé pour autre que Allah. C'est-à-dire ce qui a été nommé, mais ce n'est pas au nom d'Allah Azzawajal. Tout cela nous est interdit. قال أما التي دلت على من أكل ما ذكر عليه اسم غير الله فكقوله تعالى وما أهل به لغير الله وقوله وما أهل لغير الله به وقوله أو فسقا أهل لغير الله به. Donc parmi les versets qui démontrent qu'il est interdit de manger ce sur quoi le autre que le nom d'Allah a été nommé, et les versets qui vont dans le même sens, Surat al-Baqara, verset 173, et Surat al-Ma'ida, Kazalik, ou Surat al-Nahl, les abeilles, verset 115, ou l'An'am, verset 145, où il dit, après avoir cité ce qui nous était interdit, le sang, ainsi de suite, la chair morte, et il dit « Est-ce qui a été égorgé ou sacrifié pour autre que Allah ?» Tous ces versets-là sont en même traduction de sens. « Qala wal muradu bi al-ihlal rafu saut bi ismi ghaylillah inda al-dhabh » Et le sens voulu par al-ihlal, lorsqu'il dit « Ma uhilla li ghaylillah » c'est le fait de lever la voix en prononçant autre que le nom d'Allah dessus. Et ça peut avoir d'autres sens plus généraux également. وأما التي دلت على من أكل ما لم يذكر اسم الله عليه كقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. Et maintenant les versets qui interdisent de manger ce dont le nom d'Allah n'a pas été nommé dessus. Par exemple, il y a surat 121 dans le An'am, Allah a changé dans le sens où il dit « Et ne mangez pas de ce dont le nom d'Allah n'a pas été nommé dessus. » وكذلك فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. Donc il dit mangez de ce dont le nom d'Allah a été nommé dessus si jamais vous croyez en ces versets. Et qu'avez-vous à ne pas manger ce qui a été ce sur quoi a été nommé le nom d'Allah Azza wa Jal. Sourate Al-An'am versets 118 et 119. Donc cela est comme il dit l'auteur فإنه يفهم منه عدم الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. Qui nous fait comprendre qu'il n'est pas permis de manger ce dont le nom d'Allah n'a pas été nommé dessus. Donc, il dit que ce fossile qu'on va lire là se divise en deux parties, deux recherches. Ce qui nous contraindra à faire en deux audios. Cela amène à deux mas'alas. Al-mabhas al-awwalu. في وجه الجمع بين عموم آيات والطعام الذين أوتوا الكتاب مع عموم الآيات المحرمة لما أهل لغير الله فيما إذا سمى الكتاب على ذبيحة غير الله بأن أهل بها للصليب أو عيسى أو نحو ذلك. Donc la première recherche qu'on va citer là aujourd'hui, c'est le fait de lier entre les deux généralités des deux versets qui s'opposent. C'est-à-dire que la nourriture des gens d'olive nous est permise. Donc ça, c'est un verset général. Et également, la généralité englobée dans l'interdiction de manger ce qui est égorgé pour autre que Allah. Comme par exemple ce que le Kitabi aurait égorgé en nommant autre que Allah, comme le fait de nommer Messalen Isa ou autre. Comment joindre entre ces deux généralités? Et la deuxième question, le deuxième mas'ala qui est dans l'autre audio, Inch'Allah, ma bahtha thani, fi waj al-jam bayna ayati wa ta'amul lazina utul kitab. أيضا مع قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فيما إذا لم يسمى الكتاب الله ولا غيره ولا ذبيحته. Et l'autre mas'ala qu'on prend dans le projo, c'est le fait de réunir entre le verset qui nous permet de prendre la nourriture des gens du livre et le verset qui interdit de manger que ce sur quoi le nom d'Allah a été nommé. Donc là, la question ce sera, est-ce qu'il nous sera permis de manger la viande provenant des kitabiyines mais sur laquelle ils n'ont rien prononcé du tout. Ni Ismullah, ni Ism Isa, ou Ghayr Zalika. Deux choses bien différentes, bien distinctes à bien comprendre. Donc il dit, là il revient au premier mabhath, première mas'ala. Entre les versets, il y a des umum et des khusus. C'est quoi le fait qu'il y ait des umum et des khusus? Il y a des choses sur lesquelles ils se rejoignent, ils sont d'accord, et des choses sur lesquelles ils se séparent. Donc là, le umum, c'est quoi? Ta'am, al-lazina utul kitab, la nourriture des gens du livre, ce qui implique comme le pain, comme le fromage et autres. Et l'autre verset se singularise par le fait ma'uhilla l'urelillah. Ce qui a été égorgé pour autre que Allah Azza wa Jal. Comme par exemple, ce qui a été égorgé pour. Ce qui a égorgé le. Enfin, l'autre verset est général de tout ce qui a été égorgé pour autre que Allah. Qu'il s'agisse du sacrifice de l'idolâtre pour son idole. Ou alors, cela inclut également le kitabi. Qui aurait égorgé pour autre que Allah, comme pour la croix ou comme pour Isa. Donc la généralité de ce verset interdit l'interdiction, inclut l'interdiction. Ça veut dire normalement ce verset-là te fait comprendre que tu ne peux manger ni de ce que le kitabi aura égorgé, ni ce que, mesalène, le mushrik autre aura égorgé également. Donc là on a deux généralités qui s'opposent. Comment lier entre elles? Car l'autre verset nous fait comprendre que tout ce qui provient des gens du livre nous est permis. Il dit, je traduis directement pour écourter, que le jumhur des ulama, la plupart des ulama, ils voient que le fait d'interdire prédomine sur le fait d'autoriser. C'est-à-dire, le fait d'interdire ce que le Kitabi aura égorgé pour autre que Allah Azzawajal. Il aura égorgé Messie pour Isa, pour Jibril, pour le Salih, pour la croix ou autre. Ça, c'est le mazhab de Shafi'i et autres. Et d'autres ont vu la permission, comme le dit l'imam Nawawi, en prenant la généralité incluse dans le verset, que Allah nous a autorisé leurs sacrifices, tous. C'est-à-dire sacrifices qui soient pour Allah, pour que Allah Azzawajal. Donc là, maintenant, il va faire, lui, il va trancher entre les deux qawls, l'avis que lui, il voit. Il dit, الذي يظهر والله تعالى أعلم أن عموم آية المنع أرجح وأحق باعتبار من طرق متعددة. Il voit que le fait que cela soit interdit, cela est plus fort. Que c'est-à-dire si un kitabi viendrait à égorger pour autre que Allah, on ne mange pas. Et cela pour différents autres adillah extérieurs, mais qui viennent rejoindre là ici, qui sont des adillah de base essentiels dans les fondements, qui aident à comprendre des choses. Et ces adillah, vous allez voir, qui sont présents en quoi dans Arba'in Nawawiyya. C'est-à-dire ce sont vraiment des fondements sur lesquels on se base dans plein de masa'il, sur lesquels on revient. Parmi les choses qui amènent à voir que l'interdiction est plus forte, قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. Délaisse ce qui te fait douter pour ce dont tu es sûr. Le hadith ma'alouf. Également, وَالْإِثْمُ مَحَاكَ فِي نَفْسِكَ. Toujours dans Arba'in Nawawiyya, ce hadith, on le trouve également. Que le péché, lorsqu'il fut interrogé à propos du péché de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le péché, ce qui est en toi, ce qui te dérange en toi. C'est-à-dire, quand tu réfléchis à une chose, tu sens que ton nefs, là, yakbaluhu, dit, donc ça, c'est un péché. C'est pas dans l'absolu, mais c'est souvent ce qui arrive. Tu sens en toi quelque chose que tu fais, elle est pas bien. Wa kazalik qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, faman ittaqa ash-shubuhat, faqad istabra'a lidini wa 'irdihi. Que celui qui évite les choses ambiguës, à équivoques, c'est certes innocenté et a préservé sa religion, son honneur. Donc ces versets, ces hadiths sont généraux, mais ça s'applique dans ce genre de situation. Car là, tu es dans le doute. Est-ce que je prends ce que les kitabiyyin ont égorgé pour Allah? Parce que le verset dit Ta'amu alladhina utul kitab min qablikum. Et en même temps, tu as d'autres versets qui disent non, tu ne le fais pas. Également, la règle Anna dar al-mafasid muqaddam ala jalb al-masalih. Que le fait de repousser un mal est meilleur qu'apporter un bien. Puis une autre règle présente dans le Usul al-Fiqh qui dit que lorsqu'on en a, le shir cite tout cela en tafsil, là je l'écourte, je le résume, que lorsqu'on a des adillah qui s'opposent, des adillah de généralité qui s'opposent entre un qui interdit, un qui ordonne et un qui permet, l'ordre à suivre, c'est que l'interdiction est la plus forte. Ce dalil, il sera plus fort que les autres. Ensuite, en deuxième position, le dalil de l'ordre vient en deuxième. Et en troisième, l'ibahas. C'est-à-dire, si demain tu as un ordre et une interdiction, tu vas qaddam le dalil de l'ordre, de l'interdiction. Si jamais demain tu as un dalil entre l'interdiction et la permission, tu vas faire prédominer l'interdiction. Si demain tu as un dalil qui s'oppose entre un ordre et une chose permise, tu vas faire prédominer l'ordre. Akada. Donc là, en disant cela, l'auteur a bien fait comprendre que ce qui a été égorgé par le Kitabi nous est permis à condition qu'il ait nommé le nom d'Allah Azzawajal dessus. S'il l'a nommé autre que Allah, cela n'est pas permis, selon l'avis le plus fort. Il y a divergence, mais l'avis le plus fort est celui-ci. Et les preuves qui appuient à l'extérieur renforcent ce qu'on a. Naam. Donc là, s'achève cette première partie. والله سبحانه وتعالى أعلم والحمد لله رب العالمين